c'est pas d'ici, c'est à Miami City. 35 loin de la cité, loin de la city. Ce soir on a fait la malade dans une autre planète Verity. On t'emmène vers les étoiles, loin vers Miami City. J'ai la tête dans les îles, la tête dans le soleil. J'y rigole, le cœur abîmé. 13-0-15, ça fait des soleils. 13-0-15, on met tout niqué. Costa, Del Mar, nous on est là. On fume, très tard, Miami ou Marbella. On prend le monde en Ixosa. Tout le secteur en moula. Toute l'équipe Testa Rosa. Oh, ma Rosa. On est en te voir dans ta city. On te baisse pas invité. Ce soir, tiki tiki. On quittera la cité. Marbella, on s'est pas d'ici. C'est à Miami, Miami City. Quand t'es sacs loin de la cité. Loin de la city. Ce soir, on a fait la malade dans une autre planète, Verity. On t'emmène vers les étoiles, loin vers Miami City. Marbella, on s'est pas d'ici. C'est à Miami. Mon pote a coupé le bracelet, je le dis oh là ça papaye. Elle veut le verre mon ami et moi, l'ami c'est bye bye. Ce soir complètement loca, je suis loin, je pense plus aux rafales. Dans la boîte on arrive ganté, mon pote voit la taille et bye bye. Pas galère, on se refait, tout Marseille, tout le check est là. Un rappeur, j'ai une défi.